Je me vois pas prier. J'suis au quartier, j'mélange vodka tropicana. Tu fais le mec de la street, mais elle t'appelle mon petit canard. Tu profites parce que j'dis pas non. J'vais pas courir derrière parce que c'est canon. Cette année, j'vais tout péter, j'annonce. Garde le moral comme boy à salon. Quand j'insérerai si tu m'as sali. Qu'est-ce qu'elle a, elle est plus câline. Qu'est-ce qu'il a, l'ennemi veut qu'on s'allie. Et qui fait comme le cartel de Cali. On me dit que je brille, pourtant je suis dans l'ombre. Il faut encore que je trie, que je garde les dents l'ombre. J'me vois pas prier, j'suis encore au quartier la maille. J'suis tout le temps guillé, et je préoccupe de ma life. Mes potes sont brillés, ils ont fait courir la patte dans mes patines. Maintenant tu connais ma marque. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier. Cracher la guitare, tu vois tout de là-haut. Merci, pas besoin de blinder l'habitacle. Quand tu m'embêtes, si tu veux faire un tête, viens on fait un tête. Moi j'ai pas besoin d'aide. Viens voir où je peine, y'a des mecs à gouler sur des potes qu'on pète. Et j'suis mon pète avec Cartico, mais tu dis que c'est deux. Ils aimeraient voir comment j'travaille, ils veulent ma recette. J'fais la fête en survêtement, tu m'en bats les steaks. Dans la team duel, y'a pas de racisme, pas politique, ce n'est pas une secte. J'me vois pas prier. Encore au quartier la night, j'suis tout le temps guillé, et je préoccupe de ma life. Mes potes sont guillés, ils ont fait courir la patte dans mes patines. Maintenant tu connais ma marque. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier, prier. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier, prier. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier, prier. J'me vois pas prier, j'me vois pas prier, prier. J'me vois pas prier. J'suis encore au quartier la night. J'suis tout le temps guillé, et il se préoccupe de ma life. Mes potes sont guillés.